je regarde le monde brûler comme si ça changeait quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'on t'aime lorsque ta tombe est pleine de roses? Et j'entends les silences qui pèsent. Cette putain de voix dans ma tête me dire parfois tout le contraire des trucs qui plaisent. Maintenant, le monde s'embrase, une part de moi trouve ça très très lent. Alors j'avance quand même, même si je sais pas où je vais vraiment. Et je vois tout ce qui se passe, la pauvreté qui passe de main en main. Des apparts vides, des téléphones qui sonnent de moins en moins. Alors je me demande, ils ont quoi à se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Et tous fixés devant leurs écrans à regarder ce qu'ils ont pas. Et je crois que la fin c'est le plus dur, 40 000 dans une monde. J'espère qu'à ce prix là au moins, ils voyagent dans le futur. On m'a dit c'est ta vie, c'est toi qui gères. J'ai le cœur noir et froid, mais pas que l'hiver. Presque plus rien à foutre quand Paris perd. La trahison date pas d'hier. Une chose est sûre, petit fils de pute, si tu changes de camp, y'aura du sang sur trois rivières. J'sais pas si le monde va changer de place. Je regarde autour de moi, sont tous les mêmes. Suffit que j'ferme les yeux et tout s'efface. J'me demande si ces erreurs sont toutes les miennes. J'sais pas si le monde va changer de place. Suffit d'une erreur et tout s'efface. Je regarde autour de moi, sont tous les mêmes. Je vois mon côté sombre rigoler devant la glace. L'impression de voir des clones, que des gens marchent droit. Tu vois même plus tous ceux qui crèvent, tellement y'en a en bas de chez toi. Et tout va mal depuis que même ces gueux jouent les dealers. Alors qu'ils font rentrer moins dosé qu'une prostituée mineure. Alors tu dis que tout va bien dans ta vie, tant qu'il n'y a pas de drame. Ce qui compte, c'est plus ce que tu vis, c'est ce que tu montes sur Instagram. Je crois qu'on s'aime pas assez ou qu'on n'a pas les idées claires pour oser faire passer nos propres mères derrière des cités de merde. Le monde impose, ils pensent qu'à se faire des meufs. Protège les tiens si t'aimes tes refs. Suffit d'un intégral, d'une putain d'MT9. Quand je regarde l'homme, je suis sidéré. Forcément j'ai les idées noires et je commence à comprendre tous ceux qui ont décidé de boire. Est-ce que m'arrêter, je pourrais? Pendant que la terre veut pas s'arrêter de tourner. Des fois je fais du mal et j'y repense après coup. Ah, et puis merde, nique sa mère après tout. Je sais pas si le monde va changer de place. Je regarde autour de moi, sont tous les mêmes. Suffit que je ferme les yeux et tout s'efface. Je me demande si ces erreurs sont toutes les miennes. Je sais pas si le monde va changer de place. Suffit d'une erreur et tout s'efface. Je regarde autour de moi, sont tous les mêmes. Je vois mon côté sombre rigoler devant la glace.